arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil, plein les oreilles. Plein les oreilles. Sur la région Centre va avoir lieu un grand casting d'une grande émission de télé. Il s'agit d'incroyables talents et nous avons au téléphone monsieur Bruno Fallot. Bonjour Bruno. Bonjour, comment allez-vous ? Eh bien ça va, très très bien. Heureux de t'avoir au téléphone. Alors Bruno Fallot, donc producteur de l'émission Incroyables talents. Ben exactement. Et une émission qui a maintenant presque 12 ans puisqu'on entame la 12e saison. Oui. Et qui arrive à se renouveler chaque année, et c'est vraiment un plaisir et probablement l'émission la plus géniale à produire, tellement les artistes sont différents, tellement on a un jury à la fois fou et à la fois hyper pote. Donc ouais, c'est un vrai plaisir. C'est sur la chaîne M6. C'est ça, exactement, c'est sur M6 en prime time à 20h50. Voilà. Alors, avec David Ginolas, non ? C'est ça qui présente ? Alors l'année dernière c'était David Ginola. À l'heure actuelle, je suis encore incapable de vous dire si ce sera lui ou non. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce sera le même jury. Émilie, rappelle-nous le jury, qui c'était ? Oui. Le jury, alors je ne sais pas s'il sera le même cette année. Vous allez nous confirmer ça. Gilbert Rozon, Hélène Ségara, Éric Antoine et Kamel Wally seront-ils là cette année ? Exactement, les quatre fantastiques. Voilà. Formidable. Et c'est pas difficile de travailler avec quatre personnages aussi foufou que ça, sans parler d'Éric Antoine qui est toujours aussi fou. Mais pour vous, producteur, ça doit pas être facile de tous les jours. Écoutez, on s'ennuie pas. Oui. Ça, c'est certain. Maintenant, je peux vous dire que non, c'est vraiment un kiff. Ouais. Parce que d'abord, ils aiment l'émission. Ils sont pas là juste pour montrer leur tête à la télé. Il y a un vrai investissement de leur part. Et en plus, ce qu'on voit à la télé, à l'image, qui quand ils déconnent ensemble, quand ils sont en coulisses, qu'ils s'amusent, etc., c'est la réalité. C'est-à-dire qu'ils sont à l'antenne comme ils sont dans la vraie vie. Et ça, c'est un vrai plaisir parce qu'on bosse avec des gens passionnés. D'accord. Alors là, on est surtout pour parler d'incroyables talents. Mais pourquoi ? C'est parce que sur la région Centre, il va avoir lieu un grand casting. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent venir, pourquoi pas, proposer leurs talents, faire découvrir leur passion, ce qu'ils savent faire. Et bien donc, vous vous déplacez un petit peu partout en France. Et puis chez nous, ce sera donc sur la région Centre, Orléans, du 6 au 9 juin et également au Diamant Bleu le 18 juin. Donc Diamant Bleu à Barby-en-Gâtinais. Alors, comment ça se passe si on souhaite, ben donc pourquoi pas venir vous rencontrer, mais venir caster, parce que c'est un casting. Comment ça se passe ? On vous téléphone, on envoie un petit mail ? Alors c'est hyper simple. Le mieux, c'est www.incroyabletalent.fr et là vous vous inscrivez, votre nom, votre prénom, vos coordonnées. Si vous avez déjà une vidéo, même faite avec votre smartphone, hop, vous l'envoyez. Comme ça, nous on peut très très vite se rendre compte de votre talent, de la performance que vous voulez faire. D'accord. Et là, immédiatement, il y a quelqu'un de l'équipe qui vous rappelle et qui vous donne un rendez-vous près de chez vous. C'est-à-dire que la force de nos équipes de casting sur Incroyables Talents, c'est qu'on se déplace et on est sans cesse sur les routes. Et on va là où il faut qu'on aille, pour que ce soit pratique pour tout le monde, pour que ça vous prenne pas trop de temps. On se déplace, même chez vous s'il faut. Le tout, c'est de s'inscrire sur incroyabletalent.fr. D'accord. Alors justement, Bruno, ton petit coup de cœur personnel à toi depuis ces années, sur les 12 saisons, on peut pas dire la 12e puisqu'elle est en train de se faire, elle va justement commencer. C'est ce qu'on allait lui demander. Est-ce qu'il y a un petit truc que toi, t'as eu la chair de poule, tu t'es dit waouh, ça a gagné, ou j'aurais aimé que ça gagne, c'est vraiment mon petit coup de cœur personnel. Alors ouais, c'est vachement dur comme question, parce que c'est vrai que sur 11 saisons, il y a eu plus de 1500 candidats, mais là, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est en saison 2, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit d'un monsieur qui s'appelait Jean Texier. Son nom de scène, c'était Texieros. Il habitait dans le sud-est de la France. Il venait de partir à la retraite. Et en fait, son rêve, toute sa vie, c'était de travailler dans le monde du cirque. Or, sa femme lui disait, écoute, non, tu ne vas pas travailler dans le monde du cirque, tu vas garder ton emploi. Il était fonctionnaire parce que on a des enfants élevés, on a une maison achetée, etc. Donc, hors de question que tu deviennes circassien. Et le jour où il est parti à la retraite, dans son jardin, il s'est installé un fil tendu pour faire du funambulisme. Et pendant des années, avec ses petits-enfants et ses enfants, dans le jardin, il s'est entraîné. Et un jour, ils nous ont envoyé sa vidéo. Et c'était vachement bien. Ah, je m'en souviens, je l'avais vu. Ouais. Voilà. Ouais. Et l'histoire de ce monsieur qui, juste à 70 ans, réalise le rêve de sa vie, et qu'en plus, il est super bon, voilà. Pour moi, ça résume vachement bien Incroyable Talent, c'est-à-dire que on touche des gens comme vous et moi, qui sommes pas des professionnels, qui passons pas nos vies au Cirque du Soleil, etc. Mais qui avons une passion. Alors ça peut être aussi de l'humour, ça peut être de la danse, ça peut être de la magie, ça peut être la chanson, ça peut être vraiment toutes les disciplines possibles. Quel serait pour toi ton incroyable talent à toi ? La cuisine, peut-être, ou autre chose ? Mais exactement. Voilà. je crois que Damien me l'a dit, en fait. On va faire un coucou à Damien de ton équipe de Fremantle, hein, qui s'occupe de la recherche. Et voilà, il m'a dit. Et à toute l'équipe de casting en général, ils sont super. Voilà. Alors, donc, on le rappelle, donc, du 6 au 9 juin sur la région centre et également le 18 juin, c'est à Barville-en-Gâtinais, donc au Diamant Bleu, où là, eh bien, donc, vous pourrez être face à l'équipe de casting. Arc-en-ciel, c'est du soleil plein les oreilles. Plein de jours.